âmes sensibles s'abstenir, l'émission du jour parle de bouffe, de baise et de merde. Mais aussi de Nietzsche, de Georges Bataille et de Michel Piccoli. La grande bouffe, c'est parti. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. En dehors de la bouche, tout est épiphénomène. Le sable, la plage, le ski, l'amour, le travail, ton lit, épiphénomène, comme dit l'Ecclésiaste, vanitas, vanitatis. Mange. C'est un film d'éveil, c'est un film pour se réveiller. L'idée des réactions suscitées par la grande bouffe. Ce film a réalisé une unanimité aussi totale qu'hostile, tant auprès des spectateurs que de la critique, ce qui est tout de même assez rare. C'est un scandale. J'ai fait deux cinémas pour les gens qui le mangent. Alors je vais montrer un miroir à la gens qui le mangent. Le film, mais c'est épouvantable. Je vois pas pourquoi j'ai payé 1300 francs pour voir un truc pareil. Pour entendre les gens péter, rôter, tout ça. Faire l'amour, non, c'était vraiment dégueulasse. Les paix, on ne parle que des paix. Mais tout le monde pète. Quand on pète, oh là là, quelle horreur. Là, c'est pas un paix, c'est un bruit fantastique de paix, c'est autre chose. Ça gagne du pognon, ça, sur le dos du pauvre populot. C'est fait pour faire rire, oui, mais pour qu'à la fin, on n'ait plus du tout envie de rire. C'est un attrape-chrétien formidable. Pourquoi il n'y a pas de farce dans la dinde ? Hugo ! Pourquoi tu n'as pas mis de farce? C'est bête, c'est triste. Il faut appeler les choses par leur nom, mon cher Philippe. C'est sinistre comme ça. Mais tu as des autres choses. Il y a du purée, de crème de pomme, de marron. Et la farce? La vie, c'est une farce. Bonjour Marc Rosmini. Bonjour Adèle Van Rett. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous pour nous parler de La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Vous êtes professeur de philosophie. Vous avez travaillé sur les liens entre cinéma et philosophie. On vous doit des méditations westernosophiques aux éditions Mediapop. Et votre premier livre portait sur la cuisine. Pourquoi philosopher en cuisinant? C'était écrit avec un chef étoilé, un chef marseillais étoilé. Est-ce que ça suffit à expliquer votre goût pour ce film si bizarre, si scandaleux et si dégoûtant qu'est La Grande Bouffe? En partie, ça suffit à l'expliquer, mais ce qui m'a toujours intrigué dans la grande bouffe, et qu'on entend assez bien avec le montage à la fois d'extraits du film et d'images d'archives que nous venons d'écouter, c'est une certaine forme de douceur finalement dans le film lui-même, une dimension un petit peu de piège, hein, quand Michel Piccoli dit c'est un formidable attrape-chrétien. C'est vrai que c'est un film qui est réalisé dans une forme esthétique relativement classique, on a même parlé de néoclassicisme, mais qui à la fois va produire un choc par rapport à ce qui est montré, hein, et ce que ça dévoile de l'être humain. Et puis il y a cette dimension de scandale, alors parce que c'est un film vraiment scandaleux, et c'est toujours intéressant de s'interroger sur les ressorts profonds du scandale. Vous en parlez à vos étudiants en terminale, parce que je sais que vous enseignez la philosophie au lycée, est-ce que vous en parlez dès la terminale? Oui, je leur en parle. Alors ah je n'ai pas osé leur montrer, je construis très souvent mes cours autour de films, et c'est vrai que La Grande Bouffe, j'ai évité pour des raisons diverses et variées, mais je leur en parle. Oui, vous auriez des soucis avec les parents ou avec votre proviseur? C'est possible, ouais. Et mais je leur en parle parce qu'effectivement, il y a cette question quand Philippe Noiret, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, dit nous sommes réunis pour un séminaire gastronomique. Bon, ben le nomique du gastronomique, ça renvoie à nomos, c'est la règle. Et donc c'est un film effectivement qui va nous interroger tout le long sur les différents types de règles et les différents types de normes et les différents types de valeurs qui organisent nos vies, et qui va, en les transgressant, nous interroger aussi sur leur fondement. Et comme je dis à mes élèves qu'effectivement philosopher, c'est aussi s'interroger sur le fondement des normes et des valeurs, il m'arrive de citer effectivement La Grande Bouffe. Donc ce que vous dites, c'est que ce film qui met en scène et qui donne à voir des excréments, des attitudes scandaleuses, qui renversent toutes les normes, on y entend des paix, on y voit du vomi, on y voit des gens qui se gavent jusqu'à la mort, est en réalité teinté d'une véritable réflexion philosophique qu'on va essayer de déplier ce matin, c'est ça ? Oui, alors Michel Piccoli lui-même disait, à l'époque, ça a été un raz-de-marée de la peur, disait-il, il y a quelques années. Il dit, aujourd'hui, c'est devenu un film philosophique. Alors, je suis pas sûr que La Grande Bouffe soit un film directement philosophique. D'ailleurs, tant mieux, parce que la philosophie, elle élabore des concepts, elle articule des arguments, et un film qui ferait ça serait sans doute assez ennuyeux. Oui. Mais par contre, c'est un film qui bouscule directement, en effet, un très grand nombre de normes. De normes ontologiques, de normes esthétiques, de normes morales. Et comme il les bouscule, ben, il crée un malaise et il crée aussi une hésitation. Et comme il n'y a pas de philosophie sans un minimum de malaise, d'hésitation et d'étonnement, c'est un film, oui, qui est un excellent support pour philosopher, ça c'est sûr. Alors avant qu'on rentre dans ce film, un mot sur Michel Piccoli, puisque c'est à l'occasion d'une série d'émissions consacrées à Michel Piccoli que nous parlons de ce film ce matin, Marc Rosmini. Est-ce que vous arrivez à parler de Piccoli en tant qu'acteur? Parce que c'est pas pareil de réfléchir sur un film, le message d'un film, que sur le jeu d'un acteur, et que vous inspire Piccoli en particulier? Alors, en règle générale, bon, déjà, Piccoli, c'est quelqu'un qui aimait la transgression, hein. Il y a eu un reportage sur Arte, il y a pas longtemps, là, l'extravagant Monsieur Piccoli, dans lequel, justement, on l'interview et on lui demande s'il est plus attaché au film de Claude Sauté, par exemple, ou à ceux de Ferreri. Il dit, bon, ben, je suis attaché aux deux, mais quand même, Ferreri questionne plus, il interroge plus, et donc, d'une certaine façon, si je devais défendre un cinéma, ça serait celui-là. Mmh. Et puis, alors, avec La Grande Bouffe, il est quand même coproducteur du film, Michel Piccoli. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fait que Michel Piccoli, comme tous les autres acteurs du film, garde son prénom à l'écran. Et ça, je crois que ça mérite réflexion et ça mérite analyse. Bah, allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il garde son prénom à l'écran? Alors, donc, Michel Piccoli s'appelle Michel dans le film. Philippe Noiret s'appelle Philippe. Hugo Tognazzi s'appelle Hugo, etc. Et ce que ça produit d'abord, c'est que dans l'histoire du cinéma, souvent, on voit ça avec Azabeth aussi, les films où les acteurs gardent leur prénom, c'est souvent des films qui sont faits par des bandes de copains. C'est-à-dire que c'est pas un casting qui est fait un petit peu de manière professionnelle, organisée. C'est avant tout une bande d'amis. Une bande d'amis qui va aussi produire quelque chose qui peut ressembler à la vie de certains d'entre eux, puisque Marco Ferreri lui-même était vraiment un boulimique, un fou de bouffe, hein. C'était quelqu'un qui mangeait tout le temps, qui avait comme ça un rapport extrêmement gargantuesque à la nourriture. Et puis, ce que ça va produire aussi, c'est que le fait que les acteurs gardent leur prénom dans le film incite à nous interroger sur la catégorie dans laquelle on peut percevoir ce film. Et là aussi, je trouve qu'il y a une dimension philosophique intéressante, puisque la philosophie, elle s'interroge sur les catégories. Quelles sont les frontières des catégories? Mmh. Et tout à l'heure, Piccoli, dans l'extrait qu'on a entendu, disait, au début, on a envie de rire, et puis à la fin, on n'a plus envie de rire du tout. Alors, est-ce que La Grande Bouffe est un film comique? Est-ce que La Grande Bouffe est un film politique? Est-ce que La Grande Bouffe est un film métaphorique? Ou bien est-ce que c'est un happening filmé? Parce que, d'une certaine manière, le fait que les acteurs gardent leur prénom, le fait qu'ils aient vraiment mangé sur le tournage, le fait que Ferreri soit à la fois leur ami et soit comme ça quelqu'un qui est obsédé par la nourriture, fait qu'on a du mal à classer ce film dans des catégories, et on sait que l'inclassable met mal à l'aise, mais l'inclassable donne à penser aussi. Tout le monde me demande pourquoi la bouffe, mais sans bouffer, on ne vit pas. Et la bouffe, il était toujours très important, mythique, mystique, philosophique, poétique. La bouffe, c'est toujours très important. La bouffe, c'est l'essence pour vivre. Sans la bouffe, on meurt. Et les conserves, tu les emportes aussi? Oui, je dois faire un cadeau. Et tu ramènes aussi tes recettes et tes couteaux. Écoute, Madeleine, c'est tout. Questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si è venduto due vacche per comperarmeli. Ce pauvre homme a commandé en Allemagne les meilleurs modèles de couteaux et à l'âge de 14 ans, tu es sorti de Carpugnino avec... Carpugnino. Avec tes couteaux. Ça, tout le monde le sait par cœur. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est ce que tu as l'intention de faire avec tes maudits couteaux pendant le week-end. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. On va découvrir aujourd'hui, ce matin, ce que va faire ce protagoniste avec ses couteaux pendant le week-end. Alors, La Grande Bouffe sort en 73. On trouve Marcello Mastroianni, qui joue le rôle d'un pilote. Hugo Tognazzi, qui est chef de restaurant. Philippe Noiret, qui est magistrat. Michel Piccoli, qui est présentateur de télévision. Et puis, quelques personnages féminins, on y reviendra. Et notamment, Andrea Ferréol, qui s'appelle aussi Andrea dans le film, qui joue le rôle d'une institutrice qui a une idylle, notamment avec Philippe, mais aussi avec les autres personnages. Ce qui est intéressant, c'est c'est quand on est le spectateur, si on prend le film depuis le début, hein, Marc Rossmini, on va jouer le jeu jusqu'au bout, bah, le spectateur ne sait pas du tout, en effet, ce qui va se passer. Ça a l'air plutôt bon enfant, ses amis qui vont se retrouver pour un week-end gastronomique. Mais il y a d'emblée une scène qui, l'air de rien, arrive avant même que le dégoûtant n'arrive, avant même que le scatologique ne surgisse, qui est amené comme ça, que je trouve d'une grande violence. C'est le personnage de Philippe Noiret qui discute avec sa nounou. On apprend que sa nounou l'a élevée parce que ses parents étaient morts. Elle lui a donné le sein depuis ses 2 ans et demi. Et celle-ci ne sait pas où va Philippe Noiret. Elle lui dit pas vraiment ce qu'il va faire pendant ce week-end. Et donc, elle commence à elle lui enlève son pantalon, sa robe de chambre, et elle commence à lui caresser le sexe. Et il lui dit, oh, écoute, Nicole, tu me violes toujours. Et c'est dit, l'air de rien, comme si c'était normal. Et c'est absolument abominable pour un spectateur qui était pas du tout prêt à voir ça. Oui, il faut imaginer les spectateurs en 1973 à Cannes qui n'ont pas vu ce film, qui ne savent pas du tout vers quoi il va partir. Et effectivement, le film, quand je disais tout à l'heure qu'il nous tend un piège, c'est que ça commence comme un film de copains, un film assez classique comme le cinéma français ou le cinéma italien en ont produit énormément. Et puis, comme vous dites, dès le départ, il y a des petits décalages, il y a des petits éléments d'inquiétude qui vont rompre d'emblée le contrat en quelque sorte et l'horizon d'attente du spectateur. Et c'est vrai que ce jeu sur la nourrice, en fait, ça va aussi être un fil que Ferreri va tisser tout le long du film avec cette idée de la régression, puisqu'on a affaire à un juge, donc à une figure de l'autorité, hein, de la justice, donc une figure de l'autorité sociale, qui est traité comme un enfant et qui se comporte lui-même d'une certaine manière comme un enfant. Et donc tout le long du film, effectivement, il va y avoir cette régression. On va voir des adultes qui, comme vous l'avez rappelé, appartiennent à la bourgeoisie, aux classes sociales privilégiées, sont dans des positions respectables et prestigieuses, qui vont petit à petit redevenir des enfants. Donc il y a aussi, quand je parlais de tendresse tout à l'heure et de la tendresse de Ferreri pour ces personnages, il y a cet aspect-là. Et puis il y a la question alors du viol, il y a la question du consentement aussi, parce qu'en fait c'est un film. Ouais. C'est un film qui a fait scandale, voilà, de point de vue moral, et c'est assez étonnant parce que au final, cette séquence est une des rares finalement dans laquelle il y a une violence qui est exercée. Enfin, une violence, je sais pas, c'est à vous de voir, mais. Bah si, c'est un viol quand même. Voilà, c'est un viol contre. Bah, c'est lui qui le nomme en tout cas. Tout donc, à fait. Viol, violence, oui. Tout à fait. Mais contre lequel il se rebelle assez peu, et puis tout au long du film, finalement, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on va plutôt avoir affaire à des personnages qui vont se faire violence à eux-mêmes. Ouais, ben bah, c'est cet aspect-là qui est très très étrange, justement, de violence. Alors consentement, est-ce que eux-mêmes consentent? C'est-à-dire que les personnages consentent eux-mêmes à leur propre autodestruction. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et les séquences d'ouverture, on voit effectivement chacun des personnages dans son environnement familial ou professionnel, sont des séquences dans lesquelles d'abord on les voit mentir, hein, puisqu'ils ne disent pas vraiment ce qu'ils vont faire, chacun de ment. Et puis surtout, on sent que leur entourage s'interroge sur leurs intentions. Et quelque chose qui a mis très, très mal à l'aise les spectateurs et les critiques de ce film, c'est qu'effectivement, on va avoir affaire à des personnages qui vont inverser la fonction classique de la nourriture, puisque Ferreri, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, dit « si on ne mange pas, on meurt ouais. ». Donc, sauf que là, ils vont manger pour mourir. Hein, donc, il y a un processus d'inversion des fonctions physiologiques. Et puis, surtout, on ne saura jamais, évidemment, c'est un film déceptif hein, en ce sens-là, on ne saura jamais pourquoi vraiment il se suicide. Hein, il n'y a aucune explication, aucune psychologie, il n'y a pas de discours là-dessus. Et donc, cette idée d'un suicide collectif qui n'est justifié par rien, eh bien c'est quelque chose qui va mettre mal à l'aise et on pourra en reparler tout à l'heure sans doute, mais j'ai souvent relié ce film avec les écrits de Georges Bataille, ouais. Notamment La Part maudite, sur cette question du sacrifice, du gaspillage, et puisque Bataille, dans La Part maudite, s'interroge justement sur une sorte d'universalité des rites de gaspillage, de dépenses, de sacrifices. Sauf que dans La Grande Bouffe, ce qui nous interroge, c'est que nous avons un sacrifice et un gaspillage qui n'est justifié par aucun discours idéologique ou religieux ou transcendant, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est que le film nous fait penser. Il dégoûte, mais il invite à la réflexion. Alors, je vous propose qu'on écoute à nouveau la voix de Ferreri et puis un court extrait d'un texte de Nietzsche qui nous servira de guide pour réfléchir avec ce film. Mais c'est pas seulement l'histoire des 4 hommes qui se suicident en mangeant, c'est aussi l'histoire des 4 hommes qui se retrouvent et en attendant de mourir, ils vivent presque une vie. Alors, à part de manger, ils font l'amour, ils deviennent plus amis de qu'ils ont été avant d'arriver. Et ils pensent, sans parler, à beaucoup de choses sur la vie. Alors, le suicide, c'est le suicide d'une société, pas le refus de la société dans laquelle ils vivent. C'est la façon pour spiritualiser la société dans laquelle ils vivent. Par rapport au mode de vie qui fut des millénaires entiers, celui de l'humanité, Nous vivons, hommes d'aujourd'hui, dans une époque très immorale. Le pouvoir des mœurs est étonnamment affaibli, et le sens de la moralité s'est à ce point affiné, il a pris une telle hauteur que l'on pourrait aussi bien dire qu'il s'est volatilisé. Aussi, pour nous, les tard venus, il est difficile d'atteindre aux vues fondamentales sur la jeunesse de la morale, et lorsque nous y parvenons, malgré tout, elles nous restent dans la gorge et ne veulent pas s'exprimer, parce qu'elles rendent un son grossier, ou parce qu'elles semblent calomnier la moralité. Par exemple, cet axiome, la moralité n'est rien d'autre, et donc surtout rien de plus, que l'obéissance aux mœurs, quelles qu'elles soient. Or, les mœurs sont la façon traditionnelle d'agir et d'apprécier. Dans les situations où ne s'impose aucune tradition, il n'y a plus de moralité. Et moins la vie est déterminée par la tradition, plus le domaine de la moralité diminue. Michel, veux-tu venir à table avec nous, je te prie? Je déteste ces rideaux quadrillés et fermettes. Bah, on les changera, pas grave. Alors, comme ça, tous les week-ends, vous vous enfermez ici pour manger? Non. Hein? Seulement de temps en temps. Et chaque fois que vous venez, vous mangez autant? Cette fois, c'est différent. Ah non, Marcello, non, mais... Ça passerait mieux avec un peu de salade. Après tout, les Gouines ont raison. Les hommes sont tellement emmerdants, tu sais. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour vous amuser? Autre chose que manger, manger, manger, toujours manger. Vous jouez de la flûte de Pan? Par exemple, oui. Une pizza provençale. Toute l'odeur de la garrigue. Et l'éclat de tes yeux. Vous êtes grotesque, grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas de la faim. Et là se trouve toute la question, Marc Rosmini. En effet, c'est pas possible, c'est pas de la faim. Et pourtant, on sent un vrai appétit, une vraie curiosité, un goût quasiment gourmet, au-delà du fait de se baffrer. Ils aiment les bons plats, ils ont fait venir un chef cuisinier, donc ils aiment vraiment la nourriture. Mais c'est pas de la faim. Alors, est-ce que le texte de Nietzsche nous permet de comprendre ce que c'est? Nietzsche fait le lien entre la tradition et la morale et dit que finalement, plus la tradition faiblit, plus la morale faiblit. Est-ce que c'est ça aussi ce film, essayer de retourner ce sur quoi notre société repose, à savoir des rites, notamment liés à la nourriture, pour faire exploser cette société dans et par la morale dont on souhaite venir à bout? Oui, parce que effectivement, le scandale moral que le film provoque est d'autant plus étonnant qu'effectivement, les personnages de la grande bouffe ne font de mal à personne. Hein, donc déjà, ce sont des fautes sans victime en quelque sorte. Hein. Il y a cette dimension-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans l'extrait de Nietzsche qui vient d'être lu, c'est cette notion d'arbitraire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages que l'on voit dans le film sont des personnages qui mangent à peu près de tout, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle position, qui ont aussi des relations sexuelles très très libres. Et en fait, il y a cette idée de ne pas se soumettre à des règles. Sauf que, ce que dit bien le texte de Nietzsche aussi, c'est que si la morale ne tient que par la tradition, eh bien si on ne respecte pas la tradition, d'une certaine manière, on met à nu l'absence de fondement des règles morales. Et ce qui est assez intéressant dans l'extrait aussi qu'on vient d'entendre, donc où ils sont à table, hein, c'est que là, le personnage finalement qui va les juger le plus, c'est une prostituée. Alors ça, c'est assez intéressant parce que nous avons affaire donc à des bourgeois, comme je disais tout à l'heure, et notamment Philippe Noiret qui est juge et qui reçoit tout le monde, donc il est l'incarnation de la loi. Ils invitent des prostituées et finalement, les personnages qui sont choqués par leur comportement, ce sont les prostituées elles-mêmes qui sont pourtant a priori un petit peu à la marge de la société. Et la première fois d'ailleurs que cette question de la norme apparaît dans le film, c'est quand la fille qui vient de parler, là, qui dit c'est dégoûtant, c'est pas de la faim, elle voit le poulet dans l'aquarium et elle dit, vous trouvez ça normal? Voilà, il y a cette question de la normalité. Et comme le dit Nietzsche dans le texte, effectivement, lorsqu'on met à nu les comportements, lorsqu'on oublie la tradition, eh bien, on se rend compte qu'il est bien difficile de justifier certains de nos jugements moraux, si ce n'est par la notion de dignité. Mais ça, on va y revenir sans doute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marco Ferreri, sans forcément le savoir, propose à travers le film quelque chose qui, en fait, a été dit avant lui de manière philosophique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intentionnel? Comment vous faites le lien directement entre Nietzsche et ce film? Intentionnel, je sais pas, parce que Marco Ferreri, justement, a déclaré des choses extrêmement contradictoires sur La Grande Bouffe. D'abord, il a dit qu'il fallait juste la prendre au premier degré, et que si les gens, ils voulaient y voir un autre sens, c'était leur problème. Ensuite, il a fait des déclarations comme celle que vous venez de faire écouter. Mais globalement, disons, il y a cette idée de laisser le spectateur se débrouiller. Ensuite, je pense pas que Ferreri soit directement inspiré par Nietzsche, mais il y a cette idée commune d'une usure, en fait, d'une usure d'une tradition, de l'usure d'un monde, de l'usure d'un modèle. Bon, n'oublions pas aussi que le film sort en 1973, c'est-à-dire vraiment à la fin des Trente Glorieuses, hein, puisque quelques mois après, il y aura le premier choc pétrolier. Et cette société qui va uniquement se construire autour de la consommation des biens et des services, eh bien, elle trouve d'une certaine manière son achèvement. Il y a une idée de fin du monde quand même dans La Grande Bouffe. Sauf que la différence peut-être avec Nietzsche, c'est que Nietzsche parle de la fin d'un monde pour que notre monde advienne, pour que d'autres valeurs adviennent, sans savoir toujours exactement lesquelles. Alors qu'ici, nous sommes dans une forme d'aporie, c'est-à-dire le film se termine, nous voyons quelque chose terminer, mais nous ne voyons rien poindre. C'est peut-être ça aussi qui a scandalisé les spectateurs. C'est peut-être ça qui les a scandalisés, c'est cette idée d'absence de perspective, d'absence de solution, d'absence d'après, quoi. Bah oui, on assiste vraiment à un suicide collectif dont on ne comprend pas le sens ou l'intention, en tout cas. Et c'est en cela qu'il invite à la réflexion. C'est intéressant aussi de pointer le décalage entre les archives qu'on entend et qu'on va entendre de Marco Ferreri, de Piccoli, etc. et ce qu'on voit dans le film, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de très bon enfant qui se passe entre cette bande de copains qui jouent ensemble, et ils insistent sur la dimension de troupe, comme une troupe de théâtre, et en même temps ce à quoi on assiste à l'écran qui est un spectacle très souvent insoutenable, si bien qu'on se demande s'ils étaient au courant en fait de ce qu'ils étaient en train de tourner. Peut-être qu'ils n'avaient pas mesuré le caractère très très difficile du film qu'ils étaient en train de faire. Oui, parce que alors Ferreri a souvent qualifié ce film et son cinéma en général de cinéma physiologique, c'est-à-dire qu'effectivement le film nous montre ce qui habituellement est hors champ, parce que bon, les personnages qui mangent, déjà au cinéma les personnages qui mangent, c'est ça peut poser problème, parce que la mastication, l'ouverture de la bouche, on a déjà affaire ici à quelque chose qui est très organique. Donc dans le cinéma je dirais classique, dans un certain cinéma aseptisé, on voit très peu les personnages à table, et si on les voit, on les voit pas vraiment manger, alors que là on voit les langues, on voit vraiment la bouche, etc. Donc les acteurs étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, mais par contre c'est vrai que comme vous le dites, il y a cette idée de groupe d'amis, et c'est aussi un film sur l'amitié, c'est-à-dire c'est aussi un film sur des relations qui se tissent. Finalement c'est une micro-utopie qui devient une dystopie puisqu'on va mourir, mais c'est un monde clos sur lui-même, donc on voit très très peu le monde extérieur, et c'est un monde dans lequel justement on expérimente une forme d'anomie, c'est-à-dire il y a plus vraiment de règles, on dort tous dans le même lit, on se couche à n'importe quelle heure, on se lève à n'importe quelle heure, on mange tout dans n'importe quel sens aussi, parce que ça dans l'idée de gastronomie, il y a toujours cette idée que les forces physiologiques chez l'homme, la faim, c'est quelque chose qui nous ramène quand même à l'animalité d'une certaine manière, hein. Ouais. Et dans La Grande Bouffe, l'animal est très présent, hein. L'animal qu'on mange, aussi les chiens qui envahissent petit à petit le jardin, on y reviendra peut-être, et il y a donc cette idée aussi de ramener l'homme dans cette dualité très grande entre d'un côté sa part la plus physiologique, c'est-à-dire les excréments, on pète, on rote, etc. Effectivement, on vomit, donc voilà, de montrer tout ça. Et puis à la fois de montrer l'homme comme un homme de très haute culture, parce que le film est irrigué quand même d'un très grand nombre de références culturelles, hein. C'est aussi un film qui recycle et qui digère d'une certaine manière, qui dévore et qui digère un grand pan de la culture occidentale. Un farouche cochon sanglier et à toutes les marinades les plus subtiles. Ça, c'est de la bonne viande. Deux superbes chevreuils à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des goûts. C'est du congelé, ça? Et alors? Quand il faut, je suis pour le progrès. Ça, c'est de la bonne viande. 10 douzaines de pintades mi-sauvages, nourries au grain et au genièvre. Marcello! Les amis te réclament. Il est beau, ton pull. Tu trouves? Regarde quelle splendeur cet arrivage, non? 3 douzaines d'innocents coquelets des Ardennes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? 20 douzaines de poulets de Bresse. Ça sent, c'est... hors de Brest. C'est de la morue. Oh là là, où est-ce que ça pue? Quartier antérieur de Boeuf-Dombes. Ding-dong, champagne. Tu verras, comme c'est amusant de découper. Cinq agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier peut faire ça, un bon c'est de la bonne viande. Bravo. Ah, toujours dans la frivolité, toi. Et nous, le gros du travail. Choubi ! I'm not to be. Ne sois pas vulgaire, Hugo. That is the question. La fête commence. Que la fête commence. On est en plein dans le film, là, Marc Rossmini, entre l'exclamation to be or not to be, suivie par un paix mimé par la bouche d'Hugo. C'est exactement le ton du film. D'un côté, une réflexion philosophique qui peut plonger dans des abîmes de réflexion, justement, de méditation. Et de l'autre, quelque chose de corporel, de trivial, qui vient créer un décalage immédiat qui fait que le spectateur sait plus trop où se mettre. Ah oui, tout à fait. Alors, le spectateur sait d'autant mieux où se mettre qu'effectivement, comme vous le dites, il y a d'emblée un mélange des genres qui crée un certain nombre de télescopages. Alors là, effectivement, donc on a d'un côté Shakespeare, on a aussi une allusion. Alors, bien sûr, on n'a pas l'image à la radio, mais en fait, quand il déclame Shakespeare, Michel Piccoli s'empare d'une tête de veau, hein, donc ouais. Qui est en train d'être déchargée, puisque c'est la séquence où en fait on décharge ce nombre incroyable hein, de carcasses d'animaux qui vont être cuisinés et dévorés. Et puis il la tient comme ça au-dessus, et là il y a une allusion directe qui est à un tableau de Picabien hein, qui s'appelle l'Adoration du veau, qui lui-même d'ailleurs est une allusion à une photographie de Blumfeld. Et plus loin, Philippe Noiret parle aussi de Raymond Roussel, l'écrivain surréaliste. Donc on a dans La Grande Bouffe effectivement cette idée de proposer un très grand nombre de pistes interprétatives aux spectateurs, mais qui sont toutes d'une certaine façon des fausses pistes. C'est-à-dire il y en a tellement que le spectateur se perd aussi, et peut-être qu'il perd le plaisir qu'il a habituellement à vouloir justement découvrir le sens d'un film. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant, je trouve, dans cette séquence. C'est une séquence qui est très belle aussi, où Piccoli voilà danse, donc il y a un usage du corps aussi. Et puis il y a cette accumulation de viande. Alors là, on est dans la démesure. Hein. Il faut se rappeler qu'on est en 73, donc la France est marquée par ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est moins de gras, moins de sauce, moins de cuisson, donc une forme de ce qu'on a appelé l'orthorexie, hein, la manière de manger qui est justement très réglée par des préoccupations à la fois de santé, d'assaise, de moins, hein, cette idée d'un moins. Et là, alors, on est dans la caricature de la cuisine bourgeoise classique qui va accumuler des sauces, des viandes, etc. Et donc là aussi, finalement, il y a une transgression des normes qui sont devenues aussi nos normes à nous, d'une certaine façon, hein, où il faut manger léger, etc. Et voilà, et cette séquence-là où on annonce aussi avec cette voix hein, qui est comme un menu déroulant comme ça, qui voilà tout ce que vous avez mangé avec ces termes un peu littéraires, ces termes à l'ancienne, c'est quelque chose qui crée d'emblée, comme vous dites, ce choc esthétique, le fait que le spectateur va être désorienté d'emblée et qu'il le sera quand même tout au long du film. Et on peut prendre Shakespeare au sérieux. Au fond, cette référence « to be or not to be », c'est exactement ce qui se passe dans le film. Est-ce qu'il faut être ou ne pas être ? Parce qu'elle est prononcée par quelqu'un qui s'apprête à se suicider, justement. Donc c'est là où on a peut-être quelque chose de, à la fois de littéral dans la citation, dans la référence, mais de proprement philosophique dans la réflexion, finalement. C'est une manière de dire est-ce que tout ça n'est pas vain ? Est-ce que tout ça n'est pas inconsistant ? Et finalement, à quoi bon vivre ? Et si on le prend vraiment au sérieux comme ça, c'est glaçant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un film qui est sans doute philosophique parce qu'il nous questionne, comme vous le dites, sur le sens de l'existence. Finalement, nous avons affaire à quatre personnages hyper intégrés à la société qui décident de ne plus jouer le jeu, de jouer un autre jeu. Mmh. Et ça incite bien sûr le spectateur à se demander lui-même et jusqu'où je suis prêt à jouer le jeu, à quel jeu je suis prêt à jouer. Alors c'est amusant parce que j'ai revu ce film pendant le confinement en fait. C'est aussi un film de confinement. C'est aussi un film de confinement qui s'interroge sur le monde d'après, puisqu'on a affaire à des... C'est vrai qu'ils sont confinés. Oui, ils sont confinés volontairement, non pas par les mesures liées au Covid-19, mais, et ça, c'est assez intéressant parce que, justement, ce sont aussi des personnages qui ont le temps. C'est un film d'ennui aussi, hein. C'est un film où on prend le temps, où il se passe pas grand chose, bien évidemment. Et Michel Piccoli, alors c'est intéressant parce qu'outre la référence à Shakespeare que vous signalez, c'est celui, et on l'a entendu dans le tout premier extrait au début de l'émission, c'est celui qui régulièrement aussi va parler de l'Ecclésiaste, donc de la Bible, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite devant. Il y a une séquence aussi où on leur sert des coquelets avec des pics où il y a des crânes humains, donc La narration va aussi sans arrêt être ponctuée de réflexions effectivement sur le sens global de l'existence, avec la différence quand même entre les tableaux de vanité du XVIe et du XVIIe siècle, étaient des tableaux qui disaient à l'homme « les plaisirs terrestres sont éphémères et vains, donc tourne-toi vers Dieu ». Mais sauf que chez Ferreri, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de monde d'après, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de monde d'après, il n'y a qu'un monde qui est le monde immanent, et ce monde-là est un monde qui se dérègle. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que les spectateurs aient pu être perturbés. Et comment vous le comprenez, ce personnage de Michel Piccoli, qui s'appelle Michel dans le film, et qui a, on l'a entendu dans l'extrait, qui a un joli sous-pull rose, qui rappelle peut-être la peau du cochon, qui fait de la barre au sol, hein, une espèce de danse classique, en mangeant et en pétant, du coup, quand il a trop mangé. C'est un personnage étrange, peut-être le plus étrange de tous. Oui, parce que on sent qu'ils ont donc fait le choix de se suicider ensemble, mais sans en être totalement persuadés. D'ailleurs, à vrai dire, Marcello Mastroianni ne va pas mourir en mangeant, il va mourir en essayant de prendre la fuite avec cette fameuse Bugatti, la voiture qu'il répare tout au long du film. Et puis Michel Piccoli, alors c'est un personnage qui est un petit peu à la frontière de l'hétérosexualité, de l'homosexualité, donc c'est un personnage aussi qui produit un petit trouble dans le genre, et c'est un personnage aussi qui va être régressif comme les autres, puisqu'effectivement à un moment donc il va essayer d'entretenir son corps, hein, dans cette salle de danse qu'il y a dans la maison, cette salle de danse qui va être aussi la séquence où il va manger la fameuse purée. Et puis justement c'est là où on va voir aussi le corps se s'abîmer, puisque petit à petit son corps ne va plus répondre. Et puis c'est un homme de télévision, donc ça c'est assez intéressant aussi, puisque c'est un homme de médias. Au début on le voit dans son univers professionnel. Et donc il y a aussi cette idée que nous sommes quand même dans les années 70, au début du développement de la télé, de l'universalisation de la télévision, de la communication, et donc c'est quelqu'un aussi qui peut-être incarne la vanité de ce monde-là finalement, puisque chacun des personnages, du moins des trois, le pilote d'avion, le juge et puis lui-même, incarne en quelque sorte l'usure et peut-être le caractère vain et vide de l'univers auquel il renvoie. Est-ce que je vous sers un peu de purée, Marc Rosmini ? Ah mais très volontiers, mais alors de la purée médicinale peut-être. Eh bien la voici, après la voix de Piccoli. Je crois que j'aime plus agacer le public que lui plaire. Troubler les gens, j'aime assez ça. Ah ! Oh j'ai mal. Oh j'ai mal. Non, c'est pas méchant, Marcello. Oh c'est horrible. Ah ! Tu sais, quand j'étais petit, ma mère, elle me donnait toujours des punitions terribles. Et là, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois depuis que je suis adulte, tu comprends. Ne le prends pas au tragique, ouvre les jambes. Pousse. Oh non. Ça te soulage. Ça décongestionne. Pousse. Aide. Allez. Oh là. Oh. Aide. Allez, encore. Parce que tu mâches pas assez. Ah, Mathieu, c'est pas méchant. C'est gentil. Ça, c'est bien, c'est bien. Voilà, du bon purée. De la bonne purée, c'est féminin. Ah oui, c'est pas de mon nom, Philippe. Tu en veux ? Pour la sorbet l'air. Non, Michel. Non. Oui, je l'ai fait. Est-ce que toi? Tu as tort, Michel. Si, tu devrais en prendre un peu, tu sais. Non. Écoute, ça devrait être ça. Non. Eh, il se la vaisselle. Andrea, tu en veux un peu? Ah oui, Philippe, j'adore la purée. Elle est pas mauvaise. Merci. Hein? Il manque un peu de beurre, le coup. Oui, je l'ai fait exprès. Ah, oui, pourquoi? C'est une purée médicale. Une purée médicale. Allons. Ils vont tous en crever, alors. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien. Et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si. Tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Tu ne manges pas. Tu vas pas mourir. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Le renversement de cette phrase qu'on prononce habituellement aux petits-enfants, si tu ne manges pas, tu ne vas pas grandir, a quelque chose d'absolument glaçant. Et quand je vois le visage d'Audrey Guélil derrière la vitre, j'imagine celui des auditeurs et je me dis qu'on est mal. Marc Rosmini, je compte sur vous pour sauver la situation, cette purée médicale. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Bah, elle inspire beaucoup de choses. Alors c'est vrai que dans cette séquence-là, peut-être encore plus que dans d'autres, on s'aperçoit que le film de Ferreri est un film miroir pour la société. C'est-à-dire que, alors un miroir légèrement déformant et surtout légèrement accentuant, qui caricature un petit peu. Mais alors effectivement, donc Michel Piccoli est en position d'enfant. Bon, il est dans un lit avec des draps roses. Il a une poupée derrière lui. Et puis donc on l'incite à manger. Alors il y a cette fameuse phrase de Philippe Noiret. Donc il faut que tu manges parce que tu dois imaginer que tu es un petit Indien, pense aux enfants qui meurent de faim en quelque sorte. Alors là aussi, très souvent, quand on fait manger les enfants qui refusent de manger, on leur dit mais tu te rends compte avec tous les enfants qui meurent de faim. Et le cynisme moral finalement de notre société qui se porte très bien d'une certaine façon en sachant qu'autant de gens meurent de faim. Alors c'était vrai en 1973, c'est vrai encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, c'est quand même quelque chose qu'on peut signaler. C'est quelque chose d'assez incroyable quand même. Hein, la crise du Covid-19 a mis le monde sans dessus dessous. Et il y a 800 millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim, avec des enfants qui meurent de faim tous les jours, sans que ça émeuve grand monde. Et là, cette séquence-là, avec le petit Indien à Bombay, alors elle est à la fois insupportable d'une certaine façon, puisque elle est effectivement d'un cynisme absolu, mais elle renvoie là aussi le spectateur à ses propres ambiguïtés morales. Et puis elle renvoie aussi le spectateur cette séquence avec bon CP, etc. Donc quelque chose qui donc se dérègle de plus en plus à une réaction qui serait normale. Moi ce que je trouve très intéressant dans La Grande Bouffe en général et dans cette séquence en particulier, c'est comme c'est un film hors norme, c'est un film qui joue sur, on l'a dit tout à l'heure, sur un grand nombre de types de normes. Il nous demande aussi mais qu'est-ce que c'est qu'un spectateur normal en fait ? Est-ce que je suis un spectateur normal ? Qu'est-ce que c'est que réagir normalement à ce film ? C'est-à-dire est-ce que je dois être dégoûté, scandalisé ? Est-ce que je dois rire ? Est-ce que je dois pleurer ? Est-ce que je dois être désespéré, est-ce que je dois sortir de la salle? Et finalement, c'est un film qui oblige à prendre position. Hein. Ça, bon, c'est comme tous les films à scandale, bien évidemment. C'est un film qui nous oblige à dire, bah oui, je vais le défendre. Au contraire, je vais le condamner. La presse à l'époque est très très dure. Alors pas unanimement. Hein. Il y a un très bon article d'André Habib qu'on trouve sur Internet dans la revue Hors Champ qui fait un petit peu le bilan du critique justement du film à l'époque. Mais voilà, je crois que c'est une séquence effectivement qui nous met mal à l'aise parce qu'elle nous oblige à nous repositionner en tant que spectateur et plus globalement peut-être en tant que citoyen. D'ailleurs, le film de Pasolini, Salò, les 120 jours de Sodome, produit exactement le même genre de réflexe chez le spectateur. Voilà, et d'ailleurs, c'est intéressant que vous le disiez, parce que l'article de André Habib que je citais compare les deux films. Hein. Alors, et encore une fois, la grande différence, hein, c'est que dans Salò, les 120 jours de Sodome, il y a des victimes. Hein, il y a de la violence exercée contre les personnes, alors qu'encore une fois, dans La Grande Bouffe, et c'est peut-être ça qui en fait un film quand même plus doux, voire assez attachant, pour lequel on peut avoir une certaine tendresse malgré son aspect répugnant, c'est que nous avons affaire à des personnages assez inoffensifs, hein, finalement. Ils font vraiment de mal à personne, et s'ils nuisent à quelqu'un, c'est à eux-mêmes, avec cette ambiguïté, voilà. Alors là, bien sûr, le gag, c'est la purée médicale, parce que bon, alors pourquoi faire une purée médicale alors qu'on doit mourir ? Et là aussi, bon, la logique du film nous échappe. C'est un film qui a été très improvisé aussi, hein, il faut le dire. Hein. Je parlais tout à l'heure de happening filmé, mais bon, c'est un film dans lequel il y a énormément de séquences qui ont été improvisées par les acteurs. Dans La Part maudite, Georges Bataille, en 1949... pointe trois grandes manières de dépenser l'énergie en surplus que nous possédons. Dans cette énergie excessive, il y a manger, justement, se reproduire, et puis de manière plus radicale, mourir. Et au fond, c'est comme si le film La Grande Bouffe associait les deux premiers, manger et se reproduire, en tout cas faire l'amour, pour arriver au dernier. C'est un bon prisme de lecture pour ce film. Oui, tout à fait. C'est vrai que le texte de Bataille résonne étonnamment avec le film. Et effectivement, par exemple, dans La Part maudite, Bataille écrit, je le cite, « Au moment où le surcroît de richesse est le plus grand qu'il ne fut jamais, il achève de prendre à nos yeux le sens qu'il eut toujours, en quelque façon, de part maudite. » Fermez les guillemets. Mmh. Et c'est dans un passage, justement, il associe le gaspillage à l'injustice. En fait, il dit, dans la plupart des époques de l'humanité, le gaspillage avait des fonctions soit rituelles, soit agonistique, hein, le fameux potlatch par exemple, où en fait on fait des cadeaux au groupe adverse pour l'humilier, on lui fait des cadeaux tellement impressionnants qu'on l'humilie. Il cite aussi des peuples de Sibérie qui égorgeaient leurs propres chiens pour subjuguer leurs adversaires, donc là aussi la dépense et le gaspillage à des fins agonistiques. Et puis il cite les Aztèques, sacrifice humain, donc cadeau aux dieux, donc relation à la transcendance. Et là, la part maudite de la grande bouffe, la question encore une fois, c'est qu'elle est apparemment à elle-même sa propre fin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre finalité. Et peut-être que le film lui-même est à lui-même sa propre fin. Voilà, c'est un film qui n'a pas visiblement pour projet de dénoncer précisément tel ou tel aspect de nos comportements. On peut l'interpréter comme tel, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans cette émission en partie. Mmh. Mais il y a quand même cette idée de l'absence de finalité. Et ça, l'absence de finalité, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant pour les êtres humains qui ont besoin de justifier leur existence par des fins. Oui, c'est ça. Ça nous met face à la gratuité de notre existence. Nous ne sommes pas là pour quelque chose. Il n'y a pas un but à suivre ni un sens prédéfini. Fini, alors finalement à quoi bon? Et c'est à ça que nous renvoie ce film aussi dans notre situation personnelle. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ce qui scandalise les prostituées finalement, hein, qui se rendent compte à un moment donné qu'effectivement ce qui semble être un séminaire gastronomique est en fait un lent suicide collectif. Et alors bizarrement, le seul personnage qui va supporter ça, qui va accompagner ça, c'est l'institutrice. Alors là aussi, figure... Ça, c'est un personnage étrange, hein, Andréa. Très étrange. Très étrange. On ne sait pas si elle est, parce qu'elle a l'air très innocente, elle accepte la demande en mariage que lui formule Philippe et finalement elle va draguer tous les autres hommes. On dirait, enfin c'est l'hypothèse de Nicolas Berger, figurez-vous qui réalise cette émission, que c'est un peu comme si elle métaphorisait la mort qui venait aller voir chacun des individus parce qu'elle couche avec eux avant qu'ils meurent presque à chaque fois. Oui, c'est une interprétation. Bah oui, d'ailleurs Hugo il meurt dans un orgasme qui est provoqué grâce à elle et c'est une interprétation effectivement assez plausible. C'est une figure, d'abord elle est habillée en noir de plus en plus, c'est une figure assez pâle comme ça, et puis on est un peu dans une figure du care quasiment, de l'euthanasie. Alors est-ce qu'elle est une figure de la mort ou est-ce qu'elle est aussi une figure de l'accompagnement, puisque l'idée c'est, puisque nous devons tous mourir, faisons-le en douceur. Et c'est vrai que c'est un personnage extrêmement doux qui va participer à leur mort, et c'est une institutrice. Alors ça c'est quand même intéressant aussi, parce que ça symbolise là aussi la transmission, la vie, et pas la mort a priori, hein. Il y a même la séquence où il donne à manger aux élèves, qui est assez drôle, quoi, où les élèves vont comme ça, il leur offre à manger, et... Oui, parce qu'il y a une visite guidée au début du film. L'institutrice, donc, cette Andrea qu'on connaît pas encore, fait envoyer un de ses élèves dans ce château où ils se sont confinés pour lui faire demander s'il pouvait venir observer le tilleul avec sa classe. Et puis elle arrive avec sa classe, elle récite du Boileau devant le tilleul, et puis les quatre garçons qui sont là décident de les inviter à dîner, et c'est complètement fou de voir tous ces enfants attablés manger avec eux. On sait pas encore ce qui va se passer, mais on sent que ça sent pas bon, justement. Oui, c'est un passage particulièrement drôle, et effectivement, alors le tilleul de Boileau, là aussi, hein, bon, autre référence culturelle, hein, donc il y a pas mal de références à la littérature, et effectivement, l'enfance, c'est aussi ce vers quoi ils tendent eux, hein, finalement, puisqu'on l'a dit, finalement, l'idée, c'est quand même de cesser d'être des adultes responsables, de cesser de jouer le jeu et puis de jouer à autre chose. Alors, ce qui a choqué aussi les gens à l'époque, c'est qu'on joue aussi avec la nourriture, on se bat avec le gâteau. Il y a la fameuse tarte Andrea, hein, qui est une séquence magnifique aussi, où en fait Hugo, le cuisinier, a l'idée de mouler une tarte avec les fesses d'Andrea Ferréol. Donc alors il pétrit en même temps la pâte et Andrea Ferréol avec comme ça une jubilation que le spectateur peut partager. Et là, c'est intéressant aussi parce que quand Ferreri disait cinéma physiologique, nous sommes de la viande. Enfin, nous sommes des êtres vivants qui peuvent aussi être mangés. Et là, il y a une continuité vraiment très forte entre le corps d'Andrea Ferréol, la pâte qui va être mangée. Et donc le statut de sujet, hein, est interrogé. C'est un film qui transgresse la frontière entre les genres. On a dit qu'il transgressait la frontière entre le temps, enfin entre l'espace, etc. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, parce que là aussi c'est assez visuel, c'est qu'il y a des oiseaux empaillés au milieu du salon. Et il y a beaucoup de séquences qui sont filmées comme ça. On voit un des personnages à travers la verrière, etc. Et puis ensuite, quand les amis vont mourir, enfin du moins les deux premiers. Donc justement Michel et Marcello, ils vont être mis dans la chambre froide, hein, et donc ils sont au fond et ils sont aussi on les voit en arrière-plan. Il y a aussi la séquence où Marcello caresse en même temps les fesses de la statue et d'Andrea Ferréol. Donc voilà, on est vraiment dans une absence de séparation, en fait, hein. On est dans une continuité entre les genres, entre les espèces, entre les règnes, et tout ça, bien sûr, la pensée humaine est rassurée quand il y a des séparations strictes, des catégories étanches, etc. Donc là, comme tout se dissout, eh bien le spectateur ne sait plus du tout à quoi il a affaire, d'une certaine manière. J'ai jamais autant aimé les catégories, ça c'est sûr qu'en voyant ce film. Alors, je vous épargne, chers auditeurs, la scène des toilettes qui explosent et qui recouvrent Marcello Mastroianni de merde. Je vous épargne sa mort, je vous épargne la mort de Michel Piccoli dans sa propre merde également. Et je vous propose qu'on écoute un dernier extrait ensemble, Marc Rosmini, l'extrait du Dôme de Saint-Pierre. Donc, Michel et Marcello sont morts, seuls Hugo et Philippe sont encore vivants. Et Hugo va forcer Philippe à manger le Dôme de Saint-Pierre composé à partir de différents pâtés. Et c'est à partir de cette scène que Hugo ne va cesser de manger et qu'il va trouver la mort au cours d'un orgasme, ce qu'on appelle l'épectase. Écoutez. Pourquoi tu mets des rondelles d'œufs ? Parce que les œufs, selon les juifs, sont le symbole de la mort. Je pourrais devenir milliardaire en un mois en préparant ces plats pour les autres. Mais les autres ne seront jamais ce qu'ils perdent. Par contre, nous et nos amis, je lève mon verre. Et voilà. Hein? Alors, à toi l'honneur. On va le couper. Comment tu veux couper ça? On peut pas faire des parts. C'est trop gros, ce truc-là. Comme trop gros? Oui. C'est tout un poème, ça. Mais il est trop gros, ton poème. Écoute, avec la fourchette, comme il est. C'est de la merde. Pardon, rien. C'est de la merde. Non, tu es pas sincère. C'est un poème de merde, ça. Andrea, goûte-toi. S'il te plaît. C'est bon, non? C'est bon, Hugo, mais ça ne passe pas. Bon. Je le mange tout entier. Je le vais couper. Hein. Voilà. L'image du poème de merde s'applique assez bien à ce film, non, Marc Rosmini? Oui, je crois que ce film est effectivement extrêmement poétique et il arrive à faire de la poésie, effectivement, à partir des éléments les plus humbles, les plus dégoûtants du corps humain et à partir de ses fonctions physiologiques les plus élémentaires. Donc, effectivement, il me semble que lorsque Philippe Noiret dit le poème de merde, ça aurait assez bien convenu à Marco Ferreri pour qualifier son film. Tout à fait. D'ailleurs, d'autres avant lui, je pense à Baudelaire, faisaient de l'or avec de la boue. Finalement, c'est le même procédé, hein. Oui, une charogne de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal et beaucoup d'autres. Donc on est bien sûr dans cette veine qui remonte au romantisme, disons au moins, qui passe effectivement par le surréalisme, où donc l'homme dialogue grâce à l'art avec ses pulsions les plus primaires, avec sa part de folie, de déraison. C'est quand même aussi, je crois qu'on n'a pas prononcé le mot, mais c'est un film de folie en fait d'une certaine manière. Ce sont des personnages qui interrogent de manière radicale le sens de l'existence et donc qui nous mettent mal à l'aise. Parce qu'encore une fois, par leur radicalité, ils nous mettent peut-être en porte-à-faux par rapport au sens que nous donnons nous-mêmes à notre existence. Et le fait que le film se termine quasiment... Alors, en fait, il ne se termine pas avec le Dôme de Saint-Pierre, il se termine avec la paire de saints qui va achever Philippe, donc Philippe Noiret, ouais. Qui est apporté par Andrea. Mais c'est vrai que l'avant-dernier plat, c'est cette coupole de Saint-Pierre de Rome. Et donc, on dévore y compris la religion, c'est-à-dire on dévore ce qui était censé quand même garantir un sens ultime à l'existence humaine et garantir un sens transcendant. Et donc, s'il n'y a plus ça non plus, eh bien, nous avons vraiment affaire à des comportements apocalyptiques, anomiques, puisque pendant le confinement, justement, j'ai lu le livre Michael Fossel qui s'appelle « Après la fin du monde », hein, et il explique très bien que le monde, pour l'homme, c'est pas seulement un ensemble d'objets, c'est la capacité que nous avons à donner du sens ensemble, à nous projeter dans une action. Et là, dans la grande bouffe, effectivement, il n'y a pas d'action. Hein, il n'y a que un lent processus d'autodestruction qui est aussi un lent processus quand même d'interrogation radicale sur la signification de notre présence sur Terre. Avec ces derniers plans ahurissants où les chiens ont envahi le, le domaine où il se trouvait, les corps sont morts et on ne sait plus trop si on a affaire à quelque chose de réel ou si c'est une sorte de l'imagination du réalisateur qui vient s'infiltrer dans la nôtre pour nous accompagner le plus longtemps possible. Oui, c'est très très beau là avec la deuxième livraison de viande, puisqu'ils avaient encore commandé de la viande visiblement, et où Andrea donc dit au livreur, ben, jetez la viande dans le jardin. Alors d'ailleurs, ces chiens, on ne sait pas d'où ils viennent, donc vous avez raison, on ne sait pas du tout s'ils sont réels ou s'ils relèvent d'un fantasme, d'une image mentale, puisqu'effectivement, il n'y a aucune raison qu'il y ait de plus en plus de chiens dans le jardin. Et là, on est vraiment dans cet univers du surréalisme et puis de fin du monde. On est quasiment dans le film apocalyptique, là. On peut penser au film de fin du monde, au film de zombies, au film de... Voilà, c'est-à-dire il n'y a plus d'humanité, presque tout le monde est mort. Et puis, il y a ces carcasses de viande parsemées dans ce jardin, avec cette maison qui relève presque du cinéma d'horreur aussi, ou d'angoisse. Hein. Elle est assez particulière, cette maison, quand même, à la fois intérieurement et extérieurement. Il y a une surcharge aussi dans la maison. Hein. Il y a une surcharge de références, il y a une surcharge d'objets, il y a une surcharge de nourriture. Et donc, ça nous laisse face à un mystère, en effet. Ouais. Eh bien, on va s'arrêter sur ce mystère et on encourage les auditeurs à regarder ce film. Alors, oui, je vous encourage à le regarder. Et surtout, dites-nous si vous avez réussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, je le confesse. J'ai beaucoup plus de plaisir à en parler avec vous ce matin que Marc Rosmini, qu'à regarder le film devant mon écran toute seule hier soir, hein, je dois le dire. Bon, vous nous ferez part de vos retours. Plaisir partagé. Je vous remercie pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, on mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, notamment le livre sur la philosophie de la cuisine. J'espère qu'il est encore disponible, d'ailleurs. Il l'est. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. À bientôt, Marc Rosmini. Au revoir. Marco, c'est Philippe Noiret et moi, on est les premiers. On est là les premiers, Marco. On est là, nous. C'est nous deux les premiers. Piccoli à sa place. On commence par le boudin à 9h du matin et on continue avec un bon dessert au marron et on enchaîne avec de la choucroute et des huîtres. Azione! Une mélodie très sensuelle, vous allez voir. Disons qu'il y a eu trois acteurs, ou il y en a eu d'autres, mais des acteurs connus, Tognazzi, Mastroianni et moi qui étions les trois piliers de la troupe de Ferreri. Mais c'était vraiment une troupe, comme on disait, une troupe de théâtre. Les personnages étaient interchangeables, s'il avait souhaité... Il m'est arrivé de tourner dans des films de Ferreri, ce qu'on appelle de petits rôles. Marcello aurait très bien pu les tourner, Hugo aussi. Et Marcello Hugo disait « Pourquoi tu demandes à cet imbécile de Piccoli? Pourquoi tu ne me demandes pas à moi ?» Mais en rigolant, sachant très bien que l'autre allait s'amuser de voir l'autre sur l'écran faire ce que lui aurait pu faire, et vous comprenez ? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Dimanche soir, et pour la quatrième fois depuis la crise sanitaire, Emmanuel Macron a parlé aux Françaises et aux Français. Peu de mesures et beaucoup d'effets d'annonce, c'est dans cet esprit-là que le président s'est adressé à chacun d'entre nous, nous encourageant en passant à nous réinventer, et lui le premier. Cet appel m'a interpellée car il y a là quelque chose de profondément personnel. La réinvention de soi peut-elle se décider en haut lieu ? Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Non. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Comme pas mal de Français et de Françaises, j'étais devant ma télé dimanche soir, entre ennui et mauvaise analyse politique, quand j'ai entendu cet appel d'Emmanuel Macron à la réinvention de soi, j'ai pourtant été tout à coup scotchée. Et je dois le dire, cet appel m'a d'abord plu, agissant comme une rupture éthique et esthétique dans ce discours généraliste, pétri de beaux et de grands principes. Enfin, il y avait quelque chose de concret et de créatif qui s'adressait à moi, personnellement, singulièrement. Mais presque de manière simultanée, cette agréable surprise s'est pourtant couplée à la surprise tout court. Que venait faire dans un discours politique cette idée de réinvention de soi que l'on croise plutôt dans la littérature de développement personnel ? Cette idée que le temps serait venu de se transformer, de changer, et surtout, que venait faire cette idée propre à chacun dans la bouche d'un président ? Le surgissement d'une telle idée dans une allocution politique soulève ainsi une infinité de questions. Sur la réinvention de soi et ses propres ambiguïtés, pourquoi ce terme? Pourquoi cette injonction? Sur la place qu'il y a pour l'invention tout court dans le champ politique, est-ce le lieu des découvertes et de l'imagination? Mais aussi sur l'importance que l'on accorde au soi dans la politique et dans le collectif. Est-ce au collectif, à la politique, de donner une direction aux individus? Ou aux individus de donner une nouvelle direction à la politique? De qui ou de quoi la réinvention est-elle le fait? And I can't follow ideology. I'm proud of my identity. I wear my jacket of insanity. And I ain't gonna fall into the gap. The kind of life is just a baited trap. Since when was fashion a necessity? I don't see anything we really need. So why should I reinvent myself when the world that I see, it will not change? La question de l'articulation entre les individus et la politique, des mœurs et des actions gouvernementales est une question qui m'a toujours passionnée. À qui revient la direction des esprits et des conduites? Jusqu'où le chef de l'État, les lois, les mesures politiques peuvent-ils intervenir dans la vie que chacun d'entre nous mène? D'Aristote à Rawls, l'histoire de la philosophie politique, avec cette rupture majeure entre le paradigme antique qui visait à la vie bonne et le paradigme moderne qui en a fait une recherche privée, est elle-même le reflet de ce questionnement et de son évolution. Est-ce en haut lieu que doit se décider la réinvention de chacun d'entre nous? Est-ce une affaire de décision d'ailleurs? À qui revient la réinvention? Là est en fait le problème. Qui invente? Qu'est-ce qui se réinvente? Comment se produit l'invention? On peut chercher des solutions à un problème et ne pas en trouver. On peut tomber sur une découverte ou pas. On peut aussi inventer comme on a fabule. L'invention a précisément quelque chose d'indécidable et d'incontrôlable. Paradoxalement, c'est l'invention qui s'invente, qui apparaît après coup comme une invention. Quant à la réinvention, elle a ce paradoxe d'être un effort pour créer une chose qui existait déjà. On réinvente un plat, on écrit à la manière de, on réinvente la poudre comme si on la redécouvrait. Dans les deux cas, effort ou pas, inventer a quelque chose du surgissement et la question de l'origine, politique ou individuelle, hasardeuse ou recherchée, semble insaisissable. C'était déjà là, mais juste pas visible ou pas conscient, mais néanmoins bien réel. Faut-il alors s'entêter à nommer l'invention ou la réinvention quand elle est politiquement et individuellement déjà là, quand elle a déjà lieu? So why should I reinvent myself when the world that I see, it will not change for you and me? So why should I reinvent myself when you take whatever you need in this world? La crise sanitaire, le confinement, vivre avec un masque sont des événements, des conditions, des situations qui nous ont poussés à assister au surgissement de formes de vie politiques et individuelles. De formes de vie déjà présentes, mais pas conscientes, pas encore élevées au rang de mesures politiques, pas dites à voix haute et en haut lieu. Mais nous n'avons pas choisi ni décidé de ces changements, ils sont l'occasion du changement. Dire ainsi qu'il faut se réinventer, ce n'est donc que mettre des mots sur une situation qui est déjà en train de se produire, qui a déjà surgi et à laquelle nous avons déjà fait face ou à laquelle nous sommes déjà en train de faire face. En faire une annonce politique est ainsi, je crois, une manière étonnante de s'approprier, de se faire l'auteur ou l'initiateur d'une chose qui est déjà là et qui tient à un ensemble indécidable de circonstances et d'individus. À quand alors l'abandon de la réinvention comme pseudo-décision? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Clara de Giovanni aujourd'hui en compagnie de Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine picolienne. À la prise de son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. À la lecture du texte, Éric Herson-Macarel. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. Demain, ce sera la fin de cette série autour de Michel Piccoli. On recevra Dominique Blanc, qui viendra vous parler du jeu de Piccoli, de son travail avec lui en tant qu'actrice et acteur. Et elle a également joué dans deux films réalisés par Michel Piccoli. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, télécharger cette émission, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, où on est toujours ravis de lire vos remarques, vos commentaires. Et le site des Chemins de la philosophie, qui est entièrement animé et rempli par Anaïs Isbert, vaut également le détour. Allez voir, vous pouvez y réécouter l'émission, mais aussi lire des citations extraites de la discussion que j'ai chaque jour avec l'invité. À demain, 10h, nous, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.